messieurs, vous prétendez apprendre aux femmes quand il convient qu'elles troussent leurs jupons. Vous oubliez que nos ventres réclament des entrecôtes avant des sermons. Vous aimez notre honte et votre volupté. On ne saurait assez le répéter. Et vous pouvez le retourner dans tous les sens. D'abord la bouffe, ensuite la morale. Commencez par donner à tous les pauvres gens votre gâteau pour calmer leur fringale. De quoi l'homme vit-il ? De quoi l'homme vit-il ? Il vit de l'homme. Torturant et massacrant l'homme. Est...